Bon, ben, bonjour tout le monde, vous êtes dans la voix des guerriers, puis on a un invité bien spécial avec nous aujourd'hui pour parler évidemment de votre sport préféré. Il s'agit de Cyril Diabaté, qui est un Français qui se trouve présentement en Californie. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. On est très heureux de t'accueillir avec nous. Fred également, très heureux. Fred est un maniaque de MMA. Alors, évidemment, là, vous êtes t'es en Californie. Cyril, explique-nous qu'est-ce qui se passe là-bas et pour quelle raison tu es en Californie en ce moment. Alors, je combats le 3 décembre et je viens terminer ma préparation chez mes amis du Team Quest avec Dan Anderson, Sokudu, Christophe, tout le monde, quoi. Hey, explique-nous comment s'est fait ce lien-là avec la Team Quest. Puis bon, je pense que vous, ben, vous êtes de la Team Snake, Cyril. Puis là, vous me corrigez si je suis dans le champ puis que je dis n'importe quoi, mais je pense que votre force, c'est vraiment votre style debout, c'est-à-dire vos jambes, vos mains également, votre Muay Thai. Alors que la Team Quest, bon, ils ont une solide réputation en lutte, mais comment s'est fait le lien entre les deux clans? En fait, il y a 2 ans, Team Quest cherchait quelqu'un pour aider dans la préparation de Dan qui allait rencontrer Anderson Silva. Et ils m'ont fait venir en m'ayant vu combattre. Et c'est vrai que pas mal de gens me comparent, enfin, debout me comparent à Anderson Silva parce qu'on est tous les deux longilignes, on est tous les deux gauchers. Il y a une similitude morphologique et puis au niveau du style aussi on a des similitudes donc il m'a fait venir parce que ça allait l'aider lui dans sa préparation et Ben, puis comme je me suis bien entendu avec tout le monde il y a eu tout de suite une très très bonne entente. Ils ont aimé ma façon mon approche des arts martiaux du MMA et ça s'est bien entendu et donc on a continué à travailler ensemble. Donc je viens périodiquement, je viens passer quelques mois ici, les entraîner et prendre aussi du niveau en lutte et dans les autres secteurs. ben, bon, les gens, évidemment, en France, vous connaissent très bien. Ici, au Québec, je pense qu'on ne vous connaît pas suffisamment, mais on est content de vous recevoir, entre autres, pour ça, pour en apprendre plus sur toi, Cyril, puis tes partenaires de travail. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de la Team Snake en France qui font le déplacement à l'occasion pour se rendre en Californie? Il y a Xavier Foupa-Pocam, dit Professeur X, qui a combattu plusieurs fois à l'UFC, qui s'entraîne avec moi. D'ailleurs, il combat le 3 décembre aussi, sur le même plateau. Il y a Grégory Baben, qui a déjà combattu à Winnipeg, au Canada, contre Joe Dirksen, là, il n'y a pas très longtemps. Oui, d'accord, oui, puis Et il y a Mamour Fall, enfin il y a pas mal de gens de mon équipe qui viennent s'entraîner à Team Quest et qui font les déplacements et normalement on devrait recevoir quelques fighters de Team Quest aussi chez nous à Paris. ben, parle-nous un peu d'Anderson Silva parce que c'est intéressant. Ils t'ont fait venir la première fois parce qu'il y a des similitudes entre toi et Anderson Silva. Ben, il faut dire, effectivement, tu es très grand, hein, je pense, près de 6 pieds 5, 6 pieds 6. Tu combats dans les 205 livres, un grand gabarit. Tu es très grand. 6 pieds 5, c'est à peu près ça, Cyril? Voilà, c'est ça. Ça fait 1,97 m en mètres. Et bah, je suis grand. Je suis comme je disais, spécialiste du Muay Thai et puis gaucher. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de similitudes avec Anderson Silva. Mais Et parle-nous un peu de l'appréciation d'Anderson Silva. Comment tu le trouves? bah, je pense que c'est un génie dans le MMA, c'est vraiment le mec qui fait la différence par son sang-froid, par sa technique, par son efficacité, puis son esthétisme aussi. C'est quelqu'un qui est beau à voir. C'est pas seulement un bon combattant, c'est quelqu'un qui avec lequel on se régale quand on va combattre. Oui, Cyril, si je peux te demander, moi, est-ce que tu passes plus de temps en Amérique ou en France pour t'entraîner? Est-ce que je n'ai pas compris? Si la majorité de ton temps pour le en tant qu'entraînement pour les combats, tu le passes en France ou en Amérique? Là, j'ai fait ma, on va dire, 80% de ma préparation en France. Et je viens terminer ici pour faire du sparring. Et puis, je pense qu'on a des maintenant de bons moyens de s'entraîner en France et que le fait que on soit pas reconnu, ça nous complexe un peu. Mais je pense qu'il y a des belles choses à faire en France. Et bien évidemment, il y a pas des Team Quest en France encore, mais c'est pour ça que je suis obligé de venir ici pour venir chercher ce qu'il n'y a pas en France. Mais on a des très bons combattants et je pense que dans les deux prochaines années qui vont venir, on va avoir une émergence de talents français qui vont commencer à évoluer à très haut niveau. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Je ne sais pas si tu es au courant de savoir à quel niveau les règlements en France sont pour accueillir un gala UFC. Je sais qu'en ce moment, je pense qu'ils sont pas vraiment compatibles avec les règlements UFC. Est-ce qu'il y a un mouvement pour changer ça en France ou? Oui, bien sûr, ça fait déjà quelques années que moi, on va dire, je milite un peu, je milite à mon niveau, c'est-à-dire que dès que j'ai une interview, j'essaie d'en parler. On a fait une ligne de vêtements où il y a écrit en gros Legalize MMA. On essaie de faire des choses pour sensibiliser les gens au fait que le MMA ça soit interdit en France. Et je pense que les gens, en même temps qu'ils réalisent que le MMA est un sport et un sport vraiment organisé et on va dire un vrai sport dans tous les sens du terme, ils vont ensuite prendre conscience que ils vont ensuite prendre conscience que bah en France c'est interdit. Et en ce moment, c'est quoi les différences de règlement qui les empêcheraient d'y aller? Est-ce que parce qu'il y a, il y a environ 8 mois, on avait eu une controverse ici au Québec parce que les règlements étaient un peu différents. Et nous autres, en gros, il y avait le fait qu'on pouvait pas donner des stomps aux pieds. Et c'est ça, je me demandais c'était quoi exactement, si vous saviez comme les différences qui empêchent en ce moment d'avoir un gala d'un point de vue règlement. Alors, concrètement, il y a pas vraiment d'interdiction, mais le gouvernement, pour l'instant, n'est pas prêt à donner son feu vert, et les promoteurs vont pas se risquer à organiser des galas où il y a les frappes au sol autorisées, si c'est pour se faire interdire la dernière minute. En fait, tout simplement, c'est les frappes au sol qui dérangent. Donc à partir du moment où on n'a pas encore réglé ce problème-là, on verra pas d'UFC en France. Cela dit, je pense que si Dana White arrivait en France avec une armée d'avocats et une grosse mallette de dollars, les choses bougeront beaucoup plus vite. Oui, ça aide toujours. Il y a quand même des Français qui ont déjà une solide réputation. Bon, il y a Xavier Foppa-Pocam qui a fait le UFC, il y a Cheick Kongo qui fait très, très bien, il y a toi, puis il y en a plein d'autres quand même qui représentent bien le sport dans diverses organisations. Mais est-ce que ce qui va faire en sorte vraiment que le MMA va être bien implanté en France et qu'il va être accessible puis réglementé, puis ça va être possible de promouvoir des événements dans votre pays, ce sera lorsque vous allez avoir vraiment un icône, un idole français qui va dominer ce sport-là. Peut-être comme Jérôme Le Banner, je pense, le fait en K1. Si lui, oh, bon, il est un peu âgé pour faire la conversion, même s'il a déjà fait un combat, je pense, comme Bob Sapp, où il y avait, c'était comme un combat hybride où il y avait un round ou deux qui étaient en MMA. Mais si, disons, un nom comme ça se serait converti au MMA, est-ce que ça pourrait aider le gouvernement à changer d'avis? Alors je sais pas parce que Le Banner, enfin Jérôme Le Banner, il est connu au niveau mondial. C'est vrai que c'est une figure en France aussi, mais c'est pas pour ça qu'on le voit à la télé en train de combattre. La boxe thaïlandaise, elle est pas, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle n'est pas professionnelle dans le sens où on a des combattants de très haut niveau en boxe thaï, mais ils ne gagnent pas suffisamment bien leur vie pour dire qu'ils sont professionnels. Donc, faire la conversion, en fait, prendre un grand boxeur comme Jérôme Le Banner et lui faire un combat de MMA en France, oui, ça pourrait ramener des fans dans la salle. Mais au niveau gouvernement, je pense pas que Le Banner il ait suffisamment de poids pour faire bouger les choses. Par contre, quelqu'un comme David Douillet ou le jeune français poids lourd là qui Marmec, qu'est-ce que c'est ça? Le boxeur? non non non le jeune judoka poids lourd qui fait comment il s'appelle déjà? Rainer, Terry Rainer. Voilà, exact. Voilà, je pense que lui ce serait plus intéressant déjà. Ah, ok. Je pense que si quelqu'un comme ça s'intéressait au MMA et combattait en MMA et avait des résultats en MMA, je pense que ça pourrait faire bouger les choses. Quelqu'un issu d'un art martiaux traditionnel, pensez que ça pourrait aider, que ce soit, ben pas David Douillet, trop vieux, mais le judoka que vous venez de mentionner, ou Pascal Gentil en taekwondo, c'est vraiment, je pense, ça donnerait un peu plus de crédibilité peut-être pour les gens qui pensent que le MMA c'est un sport de barbares, mais quelqu'un issu d'un art martiaux traditionnel, ça donnerait plus de respect à ce sport-là. J'en suis persuadé d'ailleurs, et c'est pas les jeunes qui pensent que en France que le sport le MMA c'est un sport de barbare, c'est les bien-pensants, c'est on va dire C'est ceux qui veulent imposer leur vision aux autres. exactement. Donc les jeunes ils ont été bercés depuis on va dire depuis le début des années 2000 avec le Pride et ensuite l'UFC. Donc le MMA c'est on va dire dans la jeunesse dans la tête de la jeunesse, même si ça reste un sport violent, ça reste quand même un sport, mais c'est vraiment les vieilles mentalités qu'il faut changer on va dire les deuxièmes les troisièmes générations, nos parents et nos grands-parents. Mais bon, ça va venir, j'en doute pas, c'est qu'une question de temps. À l'époque il y a 30 ans en arrière on pointait du doigt le full contact. 40 ans ou 50 ans en arrière, c'était le judo et le karaté. Il y a 15 ans, c'était la boxe thaïlandaise. Maintenant, c'est le MMA. Maintenant, il faut prendre son mal en patience et faire les choses nécessaires. Et ça va bouger, c'est sûr. On se le souhaite tous, puis on va revenir un peu plus à vous, Cyril. Votre combat le 3 décembre, est-ce que c'est contre Rob Smith toujours? Oui, exactement, oui, Rob Smith. Oui, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez étudié? Moi, je vois sa fiche de 20, 13 et 1. Alors, dites-nous ce que vous connaissez de ce gars-là. Alors, je connais pas grand-chose. J'ai essayé de trouver des choses sur Internet. Il n'y a pas grand-chose sur Internet. Je pense que c'est un lutteur. Il est petit, il est trapu, il a l'air puissant. Mais à part ça, je connais pas grand-chose de lui. Est-ce que juste votre allonge, Pardon? excuse-moi, votre allonge, évidemment, là, bon, en Muay Thai, ça doit être un avantage très intéressant pour vous, mais en même temps également, être grand à MMA, bon, contre un lutteur surtout, ça peut être un désavantage, le centre de gravité plus haut, c'est peut-être plus facile à t'amener au sol. Cyril, est-ce que tu es un peu en accord avec ça? Oui, mais maintenant, si j'en parle avec mes coachs en lutte, ils vont me dire qu'un grand qui se sert bien de son allonge, justement, il est très difficile à amener au sol. Maintenant, c'est à moi de trouver ce niveau, ce feeling, et puis utiliser mon allonge à mon avantage. Okay. Puis en même temps, au sol, je pense que vous n'êtes pas dépourvu. D'ailleurs, votre dernier combat, puis entre autres, vous avez gagné, je pense, vos 4 derniers combats professionnels en MMA. Et le dernier, vous l'avez remporté par soumission, une clé de bras. Oui, ouais, voilà. Ça fait pas mal de temps maintenant que je fais du jiu-jitsu, du grappling et que j'aime ça en plus. Je me force pas parce que en me disant je dois devenir combattant de MMA complet, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime bien m'entraîner en jiu-jitsu, en grappling, j'aime bien tourner avec des mecs qui sont meilleurs que moi pour justement améliorer ma technique. OK. Et je suis de plus en plus à l'aise au sol. Si je me trompe pas, votre dernière défaite, ce serait contre Mauricio Roy dans un événement au Japon, au Pride. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça fait 3 ans déjà. trois ans, ouais. Est-ce que maintenant, là, bon, quelques années plus tard, puis 4 victoires depuis ce combat-là, est-ce que le résultat serait différent d'après vous? Ben, d'autant plus qu'il y a maintenant, bon, admettons que le combat ait lieu en Amérique. Bon, les règlements sont légèrement différents, puis bon. Le botter de la tête n'est pas permis ici, puis je pense même au Japon, ça ne l'est plus, alors que Mauricio Roy, bon, c'était quand même une de ses techniques très efficaces dans son cas, lui, puis tous les gars de la shoot box à cette époque-là, au Pride. Est-ce que le résultat serait différent aujourd'hui si vous rencontreriez Mauricio Roy? Bah, est-ce que le résultat est différent? Je pense que le combat serait différent, ça c'est sûr. Le résultat, moi concrètement, si on regarde nos palmarès, il a beaucoup plus de victoires que moi. Il a des victoires face à des bien meilleurs adversaires. Donc par rapport à ça, j'ai tout approuvé. Et c'est vrai que de dire que le combat, enfin le résultat serait tout différent, ça serait un peu prétentieux et arrogant de ma part. Ouais. Ceci dit, je suis persuadé que je ferai une meilleure performance, sachant que il y a 3 ans, quand je l'ai rencontré, j'ai eu 2 semaines pour me préparer et j'avais une hernie discale à la nuque. Sachant ça, je pense que si j'étais parti avec dans de meilleures conditions, je pense que j'aurais fait une meilleure performance aussi. Oui, puis je pense debout également, là, vous vous sentiez très, très confortable face à Mauricio Roy, puis je vais laisser Fred poser une question par la suite. Oui, ben, je voulais, moi, savoir si vous pouviez peut-être nous dire un peu vos plans à moyen terme, disons, dans les 2 prochaines années, c'était quoi le rôle parfait pour vous, là, où est-ce que votre carrière irait dans les 2 prochaines années? Alors moi déjà j'ai un challenge que je me suis donné à moi-même, c'est de réussir ma carrière de fighter et d'entraîneur. Donc il n'est pas question pour moi de sacrifier l'un pour l'autre et j'ai envie de réussir en tant qu'entraîneur, faire évoluer mes fighters de la Snake Team et de les manager aussi, de les faire gravir les échelons, comme on dit, et aussi de me faire plaisir en terminant ma carrière dans une belle organisation, en remportant de grands combats. Donc à moyen terme, c'est de signer avec une grosse organisation et d'essayer de prendre la ceinture dans ma catégorie, et aussi en parallèle faire évoluer mes combattants de la Snake Team dans différentes organisations au niveau mondial. Est-ce que tu as eu des approches avec le Strike Force ou le UFC ou le Sengoku ou le Dream dans l'une de ces organisations-là ou peut-être une autre majeure là? Est-ce qu'il y a eu des approches? Oui, bien sûr, j'ai été approché par plusieurs organisations. C'est vrai que j'ai envie de faire ce qu'il y a de mieux pour moi, et c'est vrai que j'ai refusé des propositions parce que j'arrive en fin de carrière, j'ai pas envie d'être lié avec une organisation, avec un contrat qui va peut-être pas forcément être bénéfique pour moi, surtout si c'est des contrats pour 2 ans ou 4 combats, ou j'ai vraiment envie de signer un contrat qui me motive déjà et qui me donne mes chances, on va dire. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent, vous écoutez La Voix des Guerriers, puis on est dans notre revue avec Cyril Diabaté. Puis là, je m'aperçois, Cyril, j'ai pas pris la peine de te demander avant qu'on commence si tu avais beaucoup de temps à nous accorder. Est-ce qu'on peut encore abuser de toi pendant quelques minutes? Bien sûr, bien sûr. Ah, ben, c'est très gentil de ta part, parce que moi, j'ai plein de questions, puis Fred aussi, j'en suis persuadé, là. Je voudrais savoir, à la Team Quest, bon, tu t'entraînes avec Dan Anderson, tu nous as parlé de Sokoju, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de ces gars-là? Alors là, le plus impressionnant pour moi, je pense, c'est quand on rencontre Dan, c'est un mec qui est super terre à terre, super humble, super gentil. Et c'est vrai que Bon, ça fait 10 ans qu'on le voit, à la télé en train de fracasser des gens, et on se dit c'est une brute épaisse, il doit être froid, il doit être hautain, il doit être un peu en retrait. Et pas du tout, c'est un mec tout à fait normal. Il a pas du tout la grosse tête. Il vient te parler dès la première fois qu'on s'est rencontré. Il est venu me taper la discute comme si on s'était quitté la veille. Donc, c'est vrai que j'étais impressionné par ce côté terre à terre. Et c'est souvent le cas chez les grands champions. Par exemple, les frères Nogueira, bah c'est la même chose, ou Fedor, ou tu vois, des grands sportifs, des grands combattants comme ça. Je suis toujours impressionné de voir que c'est des grands bonhommes aussi. Oui, puis je veux savoir également, bon, le dernier combat de Dan Anderson, ça s'est terminé de façon sublime ou dramatique, ben, ça dépend dans quel cas qu'on était placé. Est-ce que tu as aidé un peu à la préparation de son combat face à Monsieur Bisping, puisque toi, tu l'as déjà affronté, Bisping, puis tu avais remporté un combat, bon, en règle kickbox, ben, avec les coups de genoux permis également, t'avais remporté un combat face à lui. Est-ce que tu t'as aidé un peu Dan Anderson pour cette préparation-là? Oui, il m'a appelé depuis qu'on travaille ensemble, donc ça fait bientôt 2 ans. Il m'a toujours appelé en fait sur ses préparations. Et quand je peux, je viens l'aider, et puis je viens m'entraîner avec eux, et puis sinon je lui donne quelques conseils et tout. Et c'est vrai que cette fois-là, comme j'avais déjà rencontré Michael Bisping, ça faisait un petit truc en plus, quoi. Donc, c'est vrai que Michael Bisping a énormément évolué depuis les jours où je l'ai rencontré, moi. Mais bon, dans son style, dans les grandes lignes, on va dire, c'est toujours le même. On a mis au point quelques tactiques de combat, et ça a payé. D'après toi, on va le retrouver où, Dan Anderson, dans son prochain combat? Ça va être dans quelle organisation, si tu peux te prononcer là-dessus, là? Bah, il en sait rien lui-même, donc on en parlait hier soir, tous les deux. Il en sait pas plus que vous et moi, donc pour l'instant. Et lui, c'est point d'interrogation. Il est juste impatient d'y retourner, parce que il a l'impression qu'il perd son temps quand il combat pas. Mais oui, il est pressé d'y retourner, ça c'est sûr. Oui, dans le cas d'un gars comme Dan Anderson, moi je serais intéressé à savoir combien de temps vous passez à regarder des vidéos de leur adversaire, parce que Michael Bisping, il y avait beaucoup de vidéos de disponibles. Alors, est-ce que c'est un aspect que vous passez beaucoup de temps pour analyser l'autre combattant, vous, en tant qu'équipe? C'est vraiment chaque équipe fonctionne différemment, chaque combattant fonctionne différemment. Il y a des combattants qui aiment pas regarder leur adversaire, qui laissent ce soin-là à leur équipe, pour pas justement penser trop à ce que l'autre va faire, et plus à ce que le combattant lui-même doit faire. Mais avec Dan, on passe du temps à regarder des combats de ses adversaires. On note les défauts, les qualités qu'il a. On essaie de mettre au point une stratégie par rapport à ça. On essaie de noter le rythme aussi, le rythme du combat que l'adversaire prend, ainsi de suite. Donc c'est assez complet, et c'est clair que c'est ça te donne un avantage de venir préparer avec justement les techniques et une stratégie de combat. Et tu parlais tantôt en tant qu'entraîneur, j'imagine que c'est quelque chose que tu apprécies faire, tout cet aspect-là, le scouting, si on veut, j'ai pas un meilleur mot francophone. Oui, c'est plaisant, ça fait partie. Aujourd'hui, on va dire le MMA, c'est non seulement le sport de combat ou l'art martial le plus complet, mais justement, à cause de cette diversité de techniques et de styles, on est obligé de scouter, justement, d'aller voir les techniques et les qualités de son adversaire. Sinon, on peut se retrouver le jour du combat face à des problèmes auxquels on n'a pas de solution. Tandis que si on fait ses devoirs à la maison et qu'on justement on voit le problème en amont et qu'on cherche des solutions en amont, on n'est pas surpris justement le jour du combat. Donc ça, c'est vraiment typique au MMA, bien plus encore que la boxe thaïlandaise ou même la boxe anglaise, ainsi de suite. Là, il y a toujours des solutions à trouver face aux problèmes. OK, je vais me permettre une dernière question. Si tu peux nous décrire ta journée d'entraînement, parce que d'après les communications que tu as eues avec Ken, je comprends que tu avais deux entraînements. Si tu peux nous expliquer un peu une journée typique. Alors, premier entraînement, c'est à midi. Non, c'est à 11h, excusez-moi. C'est à 11h et c'est 2 heures. Alors, ça peut être de la technique, ça peut être de la boxe anglaise, ça peut être du jiu-jitsu, de la lutte, ou ça peut être aussi des cours de boxe thaï. Et le soir, généralement, c'est réservé à la partie physique et au sparring. Alors, il y a 2 heures. 2 heures à partir de 11h jusqu'à 1h. Ensuite, on part manger, on se repose l'après-midi. On fait pas grand-chose parce qu'on est déjà claqué. Et le soir, on recommence à 8h pour encore 2 heures. Pour terminer, on aimerait peut-être en savoir un peu sur vos élèves, puisque bon, vous êtes, je pense, le fondateur de la Snake Team et bon, le coach également à cette équipe-là. Tu nous as parlé un peu de Xavier Foupa-Pocam, je pense qu'il y a deux Grégory, hein, un Baben, puis l'autre c'est Butch Langem. Je ne sais pas si les deux sont encore actifs. Oui, non, Bush, il a mis un terme à sa carrière. C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'il avait un énorme potentiel et que il a fait des très très belles choses au niveau international et au niveau mondial. Oui. Et là, il s'est tourné vers une carrière cinéma. Donc, je lui souhaite bonne chance avec ça. Sinon, Greg Blade Babel, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. C'est un jeune prodige qui malheureusement a des petites choses à régler au niveau pas technique, pas physique, mais au niveau dans sa tête, comment il aborde le combat. Et pour l'instant, il est en train de se retrouver. Vous savez que être combattant, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est pas simplement ça, tous les jours et rentrer dans une cage. Il y a pas mal de choses à régler. Notamment dans sa tête, parce que c'est un sport essentiellement mental. Oui. Et là, il est sur une série de défaites et j'espère que, enfin, je suis persuadé qu'il va se relever et repartir de plus belle. C'est quelqu'un qui avait tellement de facilité en début de carrière qu'il a survolé ses adversaires avec une facilité déconcertante. Et un jour, il a relâché la pression. Et là, je sens qu'il est en train de retrouver un petit peu l'œil du tigre. Oui, parce qu'il faut dire, je pense qu'il a débuté en feu, comme vous nous dites, là, avec une fiche de 6 et 1. Puis là, il est rendu avec une fiche de 6 victoires et 7 défaites. Mais quand même, parmi ces défaites, il y en a une contre Amoussou, qui est l'un de vos compatriotes, qui fait très bien. Puis le Canadien Joe Dartson, qui est quand même un bon vieux vétéran. Il a quel âge, Grégory Babène? Hein? Ah, il est jeune, il a 25 ans. Ah, OK, tout jeune encore. Est-ce que Ah, ça il a... vous est déjà arrivé, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi, Cyril? Parce que bon, le mental, à un moment donné, je sais pas, d'avoir de la difficulté à gérer la pression, de pas, parce que c'est un sport, évidemment. Nous, on pratique des différents métiers, puis on peut se permettre des fois d'aller au travail, puis donner notre 60, 70, 50%, ça dépend des cas, parce qu'on est malade, parce que ça ne nous tente pas, parce qu'on a des problèmes dans nos vies. Mais le genre de profession que vous exercez, ben c'est si vous le faites, c'est possible que vous allez manger une raclée. Alors, c'est quand même un peu mieux de se présenter à 100%. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, à Cyril, à toi, d'avoir des problèmes ben, dans ta vie personnelle ou des problèmes à ajuster ton mental pour un combat en particulier? Bien sûr, c'est comme tu l'as dit, c'est un sport ou un domaine, en tout cas les sports de combat, on va dire les sports de combat ou arts martiaux efficaces, réels et réalistes, C'est vraiment là-dedans que je me retrouve parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie. Si on n'est pas un vrai guerrier, si on n'est pas, si on n'est pas là pour battre et vaincre son adversaire, on peut pas feinter, on peut pas mentir. Si tu rentres dans la cage ou dans un ring et que t'es pas là, bien dans ta tête et bien, bien dans tes muscles, eh ben, tu vas te faire défoncer la gueule aussi simplement que ça. Donc, j'aime ce côté-là de cette authenticité de ce sport. Pareil, moi je regarde certains sports d'équipe et il y a certains sports d'équipe comme le foot qui pour moi qui sont teintés de mensonges et non seulement c'est un sport d'équipe donc on peut compter sur ses coéquipiers pour nous rapporter la victoire mais en plus de ça il y a tout un tas de mensonges des roulades par terre quand le mec il a Se prendre la cheville, comme j'aime dire. ouais exactement donc en MMA ou dans ces sports durs, on va dire, y a pas ce côté mensonge. Si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas là pour la gagne, tu vas te faire défoncer la gueule. C'est très difficile pour un combattant d'être toujours à 100% bien dans sa tête le jour du combat. C'est vrai que pour X raisons, au long de ma carrière, je me suis retrouvé surtout une période où j'ai enchaîné les défaites sur ça a duré 1 an et demi 2 ans où j'ai enchaîné les défaites parce que j'avais des soucis dans ma vie personnelle pour se sortir de ce cercle vicieux c'est un vrai cauchemar parce que on a des soucis dans sa vie personnelle donc on se plonge corps et âme dans le sport en se disant c'est ça qui va nous sauver. Mais dans la pratique de ce sport-là, si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, dans tout ce qu'il y a autour, on peut pas être à 100% dans le combat. Donc, j'ai eu pas mal de défaites à une période de ma vie où j'étais pas bien dans ma tête. Et il a fallu justement faire appel à mes qualités de mental et de guerrier, on va dire, pour remonter la pente et puis retrouver le goût de la victoire. Moi, je voudrais juste faire un commentaire parce que justement, tu parlais de honnêteté et tout. Et justement, tout ce que tu viens de décrire, pour moi, là, c'est sûrement l'aspect que je préfère dans le MMA, où ce qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui vont discuter comme tu viens de le faire, ouvertement, de ses peurs et de ses, de ses pensées, je pense à Georges St-Pierre, souvent au Québec, qui non plus n'a pas peur de dire vraiment ses pensées. Et on retrouve pas ça dans beaucoup de sports. Moi, personnellement, c'est un des aspects que je préfère chez le MMA. Vous êtes très, très ouvert à la discussion en tant qu'athlète en général, je trouve. Je pense que, moi je viens de la boxe thaï et c'est vrai que dans le côté, c'est vrai qu'il y a une différence au niveau boxe thaï. Alors c'est peut-être moi qui ai pris de la maturité et que j'aurais pas eu les mêmes propos il y a 10 ans en arrière quand je combattais en boxe thaï, mais je pense que dans certains milieux de sport de combat, c'est pas bien de montrer ses faiblesses, ou parler de ses faiblesses ou parler justement de ses failles. Il faut toujours paraître invincible et avoir cette cuirasse et cette armure sur soi. Mais la vérité, c'est que même le plus grand des combattants, Fedor, Anderson Silva, tous les plus grands de ce monde, JSP aussi, on a tous peur, on a tous ses failles, on s'est tous blessés, que ça soit physiquement ou mentalement. Qu'à un moment donné, faut se soigner et puis redevenir plus fort et aller chercher la victoire. Donc, c'est vrai que le MMA, c'est tellement dur au niveau mental et physique et pas dur. C'est pas plus dur qu'un autre sport de. Attention, c'est pas plus dur qu'un autre sport de combat. C'est pas plus dur que la boxe anglaise ou la boxe thaï, par exemple, que moi je considère comme vraiment les sports de combat les plus durs physiquement. Mais cet aspect de justement diversité technique, le fait qu'il va falloir réfléchir à comment chercher cette victoire, ça rajoute encore une dimension que j'ai pas retrouvée dans les autres sports de combat que j'ai pu pratiquer. Le fait que on compare ça à une partie d'échecs une partie d'échecs martiaux, bah, c'est exactement ça. C'est tellement complet, c'est tellement vaste que bah, ça puise dans le mental aussi. C'est quelque chose qui est justement si on n'a pas un fort mental, si on n'est pas devenu un roc dans sa tête, c'est très difficile de rester vainqueur. Dis-moi, Cyril, est-ce que c'est possible qu'on pourrait vous voir peut-être l'un des membres de la Snake Team ici au Québec pour combattre? D'ailleurs, je pense que Mammoth Fall, au courant de l'année dernière, était supposé venir. Il y a eu un problème, je pense, en tout cas. Est-ce que c'est possible qu'on puisse voir à un moment donné un membre de la Snake Team combattre ici dans une organisation québécoise? Alors moi, je connaissais pas le Canada et le Québec avant l'année dernière où je suis venu pour l'UFC à Montréal. Cette année, je suis tombé amoureux de Montréal. Donc, j'ai trouvé les gens exceptionnellement gentils. Et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir à Montréal. Alors, je connais pas le reste du Québec, mais j'aimerais bien visiter. Donc, ça sera toujours avec grand plaisir si y a une organisation qui veut faire venir des strikers excitants qui savent se démerder au sol aussi. On sera toujours, je dirais toujours oui. Si vous auriez une qualité ou deux, trois qualités d'un combattant, là, à quoi on peut trouver, à quoi qu'on peut, est-ce qu'il y a vraiment un lien commun entre tous les combattants de la Snake Team? Est-ce qu'il y a une particularité là, bien à vous? Une particularité. Alors, au niveau de la particularité technique, je pense que comme c'est moi qui les ai formés et que je viens d'un passé de boxeur thaï, donc ils ont, on va dire, un stand-up, une boxe thaïlandaise un peu au-dessus de la moyenne, je pense que ce qu'on peut voir dans les MMA en tout cas. Et sinon, tous les gens qui viennent à la Snake Team et qui participent aux entraînements, ils disent tous la même chose, on est tous soudés et c'est une grande famille. Et je pense que pour gravir les échelons et avancer, il n'y a rien de meilleur comme ambiance. C'est une grande famille qui s'aide les uns les autres pour avancer au niveau personnel, au niveau individuel. Donc, je pense que c'est ça les gros traits de caractère des Snakes. Hey Cyril, on veut te remercier. Là, c'est vraiment très gentil de ta part d'avoir répondu à nos questions. Puis d'ailleurs, c'était notre première entrevue à l'intérieur de notre émission La Voix des Guerriers. Puis on est très fiers qu'on ait pu commencer avec toi parce que ça a été vraiment très intéressant. Puis honnêtement, je pense que la France, là, s'ils ont besoin de quelqu'un pour faire connaître ce sport-là, pour promouvoir le sport, pour peut-être changer l'opinion de quelques politiciens, ben, je pense que tu es vraiment une des personnes intéressantes à qui il pourrait s'adresser parce que la manière dont tu nous as parlé, là, vraiment, on a apprécié ça. Je ne sais pas si Fred, tu as d'autres questions pour M. Diabaté. Non, mais je vais juste dire en finissant de pas se gêner si on peut contribuer, nous autres, pour légaliser le MMA. Nous autres, on est des grands amateurs de MMA et on aime tout le public francophone, qu'il soit en France, en Belgique, peu importe. Alors, si vous avez besoin de faire la promotion d'événements en vue de légaliser le MMA, ne vous gênez pas à nous communiquer, puis on va faire part de ça à tout le monde. En tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était très gentil de votre part. Et s'il y a des organisateurs qui sont intéressés pour nous faire venir, on est toujours preneurs. Merci beaucoup, Cyril. Puis on espère pouvoir te reparler prochainement. Puis on vous souhaite bonne chance à toi puis à Xavier Foupa-Pocam pour vos combats qui seront le 3 décembre prochain. C'est en Californie, si je ne me trompe pas, Cyril, tu me corriges. Puis toi, tu vas affronter Rob Smith, qui a une fiche de 20-13 et 1. Et Xavier Foupa-Pocam, je pense qu'il affronte un certain Mike Moreno. Ouais, il a changé d'adversaire et c'est Anthony Ruiz maintenant. Ah, d'accord. Ben alors, Un bonne combattant chance. du Strike Force. OK. Ben, bonne chance à vous deux. Puis Merci. on espère pouvoir vous reparler. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.